Pourquoi les éléphants ont-ils une trompe? Pour changer les ampoules? Pour laver les voitures? Pour jouer à la pétanque? Pour peigner les girafes? N'importe quoi, les enfants. Moi, monsieur, pourquoi ci, pourquoi ça? Je vais vous expliquer pourquoi les éléphants ont une trompe. En ce temps-là, les éléphants n'avaient pas de trompe. Ils avaient, comme vous et moi, un petit nez de rien du tout, juste un peu plus grand que le nôtre. Et ils étaient très heureux comme ça. Mais un jour, un jeune éléphanteau curieux se coinça le nez en trifouillant dans le trou d'un tronc de baobab. Il voulait savoir qui y habitait et s'il n'y avait pas à l'intérieur quelques arachides, car il était aussi très gourmand. En tout cas, impossible de ressortir son nez. Coincé de chez coincé. Il barrit si fort et si longtemps que ses copains finirent par l'entendre et vinrent à son secours. Le premier arrivé tira son copain de toutes ses forces. Toujours coincé. Les autres tirèrent chacun leur tour. Aucun résultat, sauf le nez qui s'allongeait. Alors on alla chercher le chef du troupeau, un vieux mâle énorme. Au bout de rudes efforts, il délivra l'éléphanteau curieux. Maintenant, son nez touchait par terre et l'empêchait de marcher. Ses copains riaient comme des baleines. Mais le reste du troupeau trouva ce grand nez très élégant et très pratique pour attraper les feuilles des arbres, pour se laver le dos. Alors chacun se débrouilla pour que son nez s'allonge. Et c'est depuis ce jour que les éléphants ont une trompe. Quant à savoir pourquoi ils ont de grandes oreilles et des défenses, c'est une autre histoire. Pourquoi les hérissons ont-ils des piquants? Pour se curer les dents? Pour jouer au Mikado? Pour se tricoter des gants? Pour faire des brochettes de grillons. N'importe quoi, les enfants. Moi, monsieur pourquoi ci, pourquoi ça, je vais vous expliquer pourquoi les hérissons ont des piquants. En ce temps-là, les hérissons étaient nus comme des vers, et ma foi, ils étaient très heureux comme ça. Sauf qu'ils avaient souvent froid l'hiver, et qu'ils attrapaient des coups de soleil l'été. Mais un jour, un hérisson très gourmand mangea des dizaines et des dizaines de figues de Barbarie, ces figues qui poussent sur les cactus. Il était rassasié, mais il se gratta toute la nuit. Et le matin, à son réveil, son corps entier était recouvert d'épines de cactus. Ses copains se moquèrent de lui, ce qui le mit en boule. Mais ils comprirent très vite qu'avec cette armure, les serpents et les renards ne le mangeraient plus. Alors ils se goinfrèrent tous de figues de Barbarie. Et c'est depuis ce jour que les hérissons ont des piquants. Quant à savoir pourquoi ils traversent les routes devant les voitures, c'est une autre histoire. pourquoi les vaches ont-elles des cornes? Pour servir de porte-manteau? Pour regarder la télévision? Pour dire bonjour au train qui passe? Pour marcher la tête en bas? N'importe quoi, les enfants. Moi, monsieur, pourquoi ci, pourquoi ça? Je vais vous expliquer pourquoi les vaches ont des cornes. En ce temps-là, les vaches n'avaient pas de cornes. Aucune, ni les petites, ni les grosses, ni même les taureaux. Et ma foi, elles étaient très heureuses comme ça. Mais un jour, une vache musicienne trouva une trompette dans le pré où elle broutait. Elle souffla dedans, mais aucun son n'en sortit. Alors elle gonfla ses joues et souffla. Souffla si fort que deux bosses lui poussèrent sur la tête. Deux bosses qui s'allongèrent et s'effilèrent au fur et à mesure que la vache s'essoufflait. Ses copines riaient tellement qu'elles en perdaient le lait. Mais le taureau tomba amoureux fou de la vache cornue. Et les autres, jalouses, se débrouillèrent toutes pour se faire pousser les cornes. Et c'est depuis ce jour que les vaches et même les taureaux ont des cornes. Quant à savoir pourquoi elles adorent regarder passer les trains, c'est une autre histoire. Encore une question, les enfants? Moi, monsieur, pourquoi ci, pourquoi ça? Je sais tout. J'explique tout, c'est fou! Pourquoi les kangourous ont-ils une poche? Pourquoi les chameaux ont-ils deux bosses? Pourquoi les poissons rouges sont-ils rouges? Pourquoi les lièvres ont-ils de grandes oreilles? Pourquoi les serpents n'ont pas de pattes? Pourquoi les zèbres ont-ils des rayures? Pourquoi les poules n'ont-elles pas de dents? Pourquoi les abeilles font-elles du miel? Pourquoi les enfants posent-ils des questions? Tout le temps? Vous venez d'écouter Monsieur Pourquoi ci, pourquoi ça? Une histoire de Régis Delpeuch, magnifiquement illustrée par Maria Jalibert dans un style drôle, naïf et enfantin. Un livre édité par Cédrap Jeunesse.